essa mulher, quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser. Ai, ai, ai, e o gosto dessa mulher, quero tê-la ao pé de mim, beijá-la quando quiser. São exatamente 11 horas e 40 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. É o programa do Telefone Toca que lhe está fazendo companhia, e isso até às 12h30. E hoje temos aqui a Rádio Arco-Íris em peso, assim se pode dizer, pois estão aqui dois colegas para nos falar do que se vai passar sábado próximo, 16 de fevereiro. Então, olá, muito bom dia. Olá, muito bom dia. Bonjour, Lionel. Bom dia, bom dia. Bom dia, Lionel. É melhor assim. Portanto, sábado próximo é um dia muito especial para a Rádio Arco-Íris e não só. Mas nós vamos festejar o Dia dos Namorados na Sala de Festas de Montição e para isso organizamos um grande show. É verdade, vamos estar então acompanhados pela primeira vez com o grupo Desfado, que tivemos ontem a entrevista no meu programa, e na verdade eles contaram-nos um pouco como é que vai ser esta noitada. Um fado, vai haver o fado autêntico, que é o que eles gostariam de guardar na autenticidade do fado, mas também dar um pouco de jovem ao fado também. Um pouco também. De alegria, não é? Com a concertina. É, eu ouvi a entrevista. Eles, ótimo, vão trazer o acordeão, a guitarra, etc, etc. Portanto, vai ser toda uma equipa que nos vai cantar o fado. Os jovens que cantam o fado, mas que também guardaram também aquela nostalgia do fado autêntico, também estará presente. E se não, se as pessoas não gostarem, metemos lá o Maninho a cantar, não é? Ou até o Maninho Lionel em cima do palco. Problema. Olha, acho que já está a chover que chega. Qui sait, ça marchera peut-être, hein? Si ça peut faire venir du monde, il n'y a pas de problème. É isso que mais nós precisamos. Du monde, il y en a. Il y en a déjà pas mal. Mas se vous voulez réserver, ou se quiser reservar o seu lugar para este grande evento organizado pela Rádio Arco-Íris, e você ainda fará maior. E para isso, há só um número de telefone, não é, Cristina? Havia. Hoje, é assim, temos um número de telefone, o telemóvel da rádio, que é o 06 87 97 35 33, mas tínhamos um pequeno problema técnico aqui na nossa rádio, e que a nossa linha, a linha da administração tinha ido abaixo, e veio novamente o nosso técnico. Agora já veio acima. Já veio outra vez novamente a nossa linha, e então podem chamar novamente até ao 02 38 43 50 09, que é o número da nossa secretária, que está cá todos os dias das 9 até às 16, está presente. Mas entretanto, se o vocês... intervalo entre o meio-dia e as... Ela leva o telefone às costas com ela, não, e vai comer. Não, estou a brincar. É assim, e durante as horas do almoço ou ao final da tarde, podem então continuar a chamar então para o 06 87 97 35 33, ou então no site da nossa rádio está lá um event que foi arranjado para este momento, onde vocês podem ir descobrir também ao mesmo tempo o site da nossa rádio, para quem ainda não conhece, que é o radio-arc-en-ciel.fr, e também está lá então o link para poder commander, reserver em linha. Isso é mais para os mais jovens, então podem ir ao nosso para site para toda a gente e comprar diretamente sem vir aqui aos estúdios ou sem ir a qualquer sítio. Eles podem passar também ao estúdio, se vão vir sur place, ou 266 para o Bourbagny, a pleurer les ovaires. Nós estamos lá jusqu'à 12h30, il n'y a pas de souci, on prend toutes les réservations. Et Manu, qu'est-ce que tu nous as fait de beau pour attirer tout ce monde? Qu'est-ce que tu nous as préparé à manger? Moi, ce que j'ai préparé, déjà, il y a ma présence. Déjà, il a établi le menu, c'est déjà très bien. Non, le menu, c'est comme c'est marqué, hein, c'est un apéro, bien sûr, c'est des douceurs salées du portugais, hein, c'est bolinhos bacalhau, tous les petits trucs qu'on les a là-dessus. Petites surprises, voilà, dans l'assiette. Après, vous avez le plat de bacalhau, c'est-à-dire le plat de morue. Alors, l'apéro, ça sera chacun sa petite assiette. Hein. Voilà. Comme ça évite les... Voilà, puis après, accompagné avec un petit cure. Et puis, comme on dit, douceur salée à la portugais, ça veut dire que ça va être bien garni et bien chaud, bien portugais, tout ce qu'on aime. Après, donc, on aura le plat de, pour ceux qui ont choisi, le plat de morue, hein, au bacalhau. Ça, c'est servi avec, je crois, c'est de la morue ou est bacalhau? Deve ser um bocadinho dos dois. Je crois que c'est le même, mais bon, vous me mettez peut-être en doute. Non, c'est le même. Bacalhau pour les Portugais et morue pour les Français, voilà. Donc, mais pour ceux qui n'aiment pas la morue, il y a aussi au plaque, no plato. Alors là, c'est le steak à la portugaise. Et le steak à la portugaise. C'est pas vraiment le petit steak, hein, c'est le steak. Alors, c'est composé comment? Alors, il y a le gros beefsteak, hein, bien sûr, les frites qui l'accompagnent, un œuf aussi. Et je pense qu'il y a une petite tranche de jambon, non? Je crois aussi avec. Si on suit la recette, c'est comme ça, voilà. C'est un prego no prato, é o bife, o ovo a cavalo, com uma fatia de fiambre no meio, que é para eles não colarem um ao outro, as batatas fritas, a bolinha do arroz. Oui, oui aussi. Et puis, tout ça dans la même assiette. Tout ça dans la même assiette. Si t'as faim quand t'es parti de chez nous, il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Vous pouvez manger à volonté parce que après, vous pouvez illuminer parce qu'on peut danser aussi. Ah bah après, oui. Attends, on n'a pas fini de manger. Hein. Oui, attends, il y a encore, après, on a un assortiment de fromage. Après, il y a le plat de fromage salade. Il y a le dessert. Alors, c'est très important pour certains, pour les gourmands. Donc, c'est une crêpe avec une glace. Crêpe maison avec de la glace. C'est Christine qui va s'y coller aux crêpes. Hein. Ah, tout à fait. C'est souvent ma place. C'est sa spécialité, je crois. Ouais. Et du coup, donc, avec une glace, c'est peut-être des petits fruits. Petites choses. Des petites surprises. Après, il y a le café, derrière, bien sûr. Il y a plein de danse. Et on, voilà, tout ça, je pense qu'on va pendant le fado. Ça, c'est, on mange pendant le fado, je crois. Hein, c'est ça. Oui, il y aura des petites intervalles. Et après, pour éliminer, il y aura le bal avec le groupe Energia qui est à partir de 22h. Donc pour les gens qui ne viennent pas pour le repas, peuvent venir pour le bal. Donc à partir de 11h. Oui, à partir de 22h. Oui, on commence à ouvrir, tranquillement. On commence à ouvrir, voilà. Et donc, ceux-là, ils n'ont pas besoin de réserver. Mais pour le repas, il faut bien le préciser, il faut réserver dès à présent parce qu'il ne vous reste plus beaucoup de... Et puis les places sont limitées quand même. Et puis après, nos cuisiniers, il faut qu'ils aillent faire leurs courses. Hein. Et puis même pour les tables, il faut qu'on prépare les tables. Donc si on a des gens qui viennent après, les tables ne sont pas prêtes. Le jour même, ce n'est pas possible. Non, ça sera difficile. C'est plus difficile, quoi. Donc le mieux, c'est qu'ils réservent. On va dire que c'est pas possible. Il vaut mieux qu'ils réservent avant. Alors, aquele que vier réserver naquele dia tem que comer o rabo do bacalhau. Não há outra solução. Portanto, como vem, a Rádio Arco-Íris organizou toda uma noite para você poder passar uma noite bem agradável, agarradinhos, sei lá, falar... E talvez encontrar o par para aquele que vem sozinho, pode vir sozinho, há tanta gente que há sempre um par para encontrar, não é? Muito bem, então não falta para este evento o 16 de fevereiro. Onde é que se passa isso? Na sala de Montição, a Saint-Jean-de-Blanc, aquela sala que já está tão marcada para nós, que acho que aquela sala, um dia vamos pedir à Mairie de Saint-Jean-de-Blanc que nos dê então o valor daquela sala, mais vale ela ser nossa, não é? Portanto, uma sala mítica para todos os portugueses. Que todos os portugueses conhecem, maintenant. Que é bem agradável. É uma bela sala, mas sim, tout à fait, ouais. E a saber que, para celui que n'aime pas o bacalhau, tem o prego no prato, mas também as crianças têm. Donc il y a le menu enfant pour ceux qui ont moins de 10 ans. Faut pas s'inquiéter, il y aura aussi un bon petit plat, des nuggets de poulet, frites, fromage et dessert. Et tout ça va toucher un peu le portefeuille de nos éditeurs, bien sûr. Hein. Et puis en même temps, c'est vrai que. Alors voilà. C'est quoi les prix? Allez. Le plat, que ce soit la morue ou au prego, c'est 25€. Les moins de 10 ans, 10€. Et pour celui qui vient seulement au bal, 7€. Donc c'est pas bien cher parce que quand on se fait un petit resto, c'est un peu plus cher. Et puis on a vous avez un fado, spectacle avec. Hein. On a le fado, on a le bal, la convivialité et toute cette ambiance. Et puis c'est pas une heure ou deux heures qu'on reste, on peut rester toute la nuit. Donc jusqu'au c'est vraiment matin. Pas cher. Venez avec nous. Et puis c'est une manière aussi d'aider Radio Arc-en-Ciel. Hein. Tout à fait. C'est ce qui nous aide à promouvoir un petit peu notre radio. Et o que eu tenho dito muitas vezes, e vocês também o dizem muitas vezes, é assim, quando organizamos este tipo de evento é para ajudar a nossa rádio, porque ela fique e perdure sempre em português. Claro que a comunidade francesa também nos ajuda muito, mas nós portugueses temos que continuar a que a rádio fique portuguesa. Por isso, nós benévolos, nós, os 9 membros do Conselho de Administração, mas também aqueles que nos ajudam ao cotidiano, fazemos o máximo para que continuo-nos a fazer, tanto seja um jantar, tanto seja um baile, organizando mesmo aqui na sala da nossa rádio. É muito importante que vocês venham, porque isto é para nos ajudar, não é? Se os nossos ouvintes querem música todos os dias e tudo para sempre, voilà, também é uma maneira. Então, a rádio, ela a besoin de finances, hein, pour vivre. Il y a du matériel à changer. Parce qu'elle n'est pas à nous, la radio, elle est à nous tous. Il faut savoir que cet argent, elle va à la radio. C'est on vraiment... a quand même beaucoup d'amis. Radio Arc-en-Ciel a beaucoup d'amis, beaucoup d'entreprises portugaises, hein, que je vois ici dans la petite affiche, hein, qu'on va remercier, Christine. Allez. Ah, tout à fait. Nous allons remercier donc tous ceux qui sont... alors, il y en a certains, je tiens à le préciser, qui ne sont pas sur l'affiche parce que on a fait en sorte qu'on distribue un petit peu nos entreprises pour le bal de février, pour le bal d'avril et pour la Saint-Jean. Parce que les entreprises ne nous aident pas qu'une fois dans l'année, mais bien sûr qu'il faut nous aider à longueur d'année. Et pour cela, c'est pour ça qu'on fait des appels aux entreprises pour que ça soit donc le prochain bal, donc on a celui-ci. Après, on a le 27 avril, qu'on sait déjà en plus. C'est qu'ici. L'heure de mendier, là. Hein, un petit peu. C'est pas l'heure de mendier, c'est l'heure de demander de l'aide. Et effectivement, c'est pour ça que certains ne sont pas sur cette affiche-là, mais seront sur celle d'avril ou seront aussi sur le livret de la Saint-Jean. Et comment on fait si jamais on veut adhérer à cette affiche? Comment on fait? Il faut appeler tout simplement la radio, venir nous rencontrer, ne serait-ce qu'au prochain bal, le 16 février, vous venez nous rencontrer et vous nous dites tout simplement « je veux adhérer ». Être adhérent, 20 euros par an. Et être sponsor, pour être sponsor, c'est tout simplement être sur nos affiches ou bien pouvoir venir présenter son entreprise sur le parc de Lignerolles à la Saint-Jean. C'est encore mieux parce que notre objectif, c'est de faire comme un... Uma feira, comme on dit, un royal. Tout à fait. Et remplir d'entreprises, ce serait pas mal, ça. Et moi, je suis une entreprise. Comment je peux faire qu'est-ce que j'ai en échange? Qu'est-ce que vous avez en échange? Donc déjà, il y a votre logo qui est sur l'affiche. D'une part, donc sur l'affiche papier, en audio, parce que nous passons le remerciement... Au moins 15 jours, 3 semaines. Voilà, qui paraît dans nos ondes de la radio sur toutes nos émissions. Après, il y a aussi sur les réseaux sociaux, parce que Radio Arc-en-Ciel a son Facebook, à son Instagram, il y a son site qui est aussi une page qui véhicule une communication aussi. Après, par la même occasion, nous les annonçons aussi le soir du bal. Donc c'est annoncé. Et puis ils ont aussi des petits avantages. On est bien les chouchouter. Hein. Oui, tout à fait. Bon, sans en abuser, mais effectivement, nous leur offrons un petit repas de temps en temps, nous leur offrons une petite bouteille, on les chouchote. Les entrées. Alors, à chaque fois que. De toute façon, quand c'est un bal, bah, nos adhérents, nos sponsors, ils viennent souvent manger avec nous, avec oui, les artistes. Ils mangent avec les artistes. Avec les artistes. Voilà, ils sont invités. C'est aussi un avantage, hein, sous une tout entreprise. Ah, bah, ils sont tête à tête avec l'artiste du moment, quoi. Voilà. Et puis, ils ont deux entrées, chaque entreprise a leur deux entrées. Ils ont aussi leur table de réservée. Donc des petits avantages pour toutes ces entreprises qui veulent aider Radio Arc-en-Ciel. Nous, on essaye de les aider aussi pour qu'ils aient plein de clients. Et puis celui qui veut avoir des clients, qui communique pour c'est être pas pour dire, mais la semaine dernière, quelqu'un nous a appelé qui cherchait un électricien. Et ben voilà, il était sous la main parce qu'il était l'électricien du moment qui était sur l'affiche. Et c'est comme ça qu'on aide aussi les entreprises de notre côté. Celui qui veut évoluer, faut se faire connaître. Donc, tout à fait. Radio Arc-en-Ciel, c'est un bon moyen. Et c'est pour ça que nous allons donc remercier les entreprises qui sont là présentes pour ce bal. DCM de Castro à Orléans, Électricité Générale Dias Emilio à Olivet, les Amis du Bâtiment à Saint-Jean-de-la-Ruelle, Aldora Construction à Fleury-les-Aubrais, SN Maçonnerie Ravalement à Saint-Jean-de-Bray, les établissements Mariano, les Caves du Portugal, l'entreprise Oliveira à Olivet et Alberto Coelho à Orme. Merci. Un grand à merci eux. À eux. Non, merci à eux. Com garfo a colher, mas o melhor bacalhau, com certeza é o da mulher. É bacalhau. Ah, vai ser mesmo bacalhau. Vai ser o bacalhau. Esse vai ser o bacalhau da Fernanda e o prego do Manel. Não sei como é que vai dar isto. Bacalhau, à portuguesa, como de qualquer maneira. É bacalhau, é bacalhau. É bacalhau, então vai ser o bacalhau e o bife no prato, não é? Prego no prato. Prego no prato. Que eu digo, é o bacalhau da Fernanda e o prego do Manel. Mas não é um prego de carapinteiro. Ai, não sei, vamos lá ver. Talvez alguns pregos vão por lá aparecer. Portanto, contamos com a vossa presença para claro. Isso, reserve, só assim poderá estar presente neste evento organizado pela Rádio Arco-Íris. E não se esqueça, é uma maneira de ajudar a Rádio Arco-Íris. E conhecer ao mesmo tempo Desfado, este novo grupo que vem de aparecer e que tem uma particularidade dedicada ao fado antigo, mas também ao fado mais moderno, e também o grupo Energia, que já tivemos a oportunidade cá os ter e de os descobrir também para um pezinho de dança. Muito bem, então não. Muito obrigado pela vossa presença. Talvez daqui a um bocadinho depois, mais para o fim, falaremos mais sobre este evento da Rádio Arco-Íris. Penso que vale a pena falar, claro. Porque é sempre bom dar a conhecer o que a Rádio Arco-Íris faz.